Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi j'attire toujours les moustiques? Évidemment, vous avez tout entendu sur les peaux à moustiques, mais ma chérie, c'est parce que tu as le sang plus sucré. Et non, les moustiques n'ont pas de radar pour le sucre, ils ont un radar à CO2. Vous savez, ce dioxyde de carbone que vous expirez? Les moustiques peuvent le repérer à près de 30 mètres. Leurs proies préférées sont donc les personnes qui dégagent le plus de CO2, les adultes, plus que les enfants, les personnes actives, les femmes enceintes, les personnes malades. Les moustiques sont aussi attirés par certaines odeurs corporelles et par des molécules évacuées par la transpiration, comme l'acide lactique ou les corps gras volatiles. Vous allez donc les attirer plus ou moins selon votre activité et votre alimentation. Quoi d'autre ? Les moustiques apprécient davantage les couleurs foncées des vêtements et la chaleur. Si vous vous adonnez à une séance de bronzage ou si vous avez chaud la nuit, vous pouvez être sûr qu'ils vont venir se régaler. Selon des études scientifiques très sérieuses, les buveurs de bière et les groupes sanguins O ont aussi plus de risques de se faire piquer, là encore à cause des molécules sécrétées dans la transpiration qui semblent plaire tout particulièrement à ces petits insectes. Alors stop aux idées reçues, les peaux ou les sangs sucrés, les sangs plus protéinés, les crèmes pour le corps sucré, les peaux moins épaisses n'attirent pas du tout les moustiques.